Si non passa bene, il verrà la bene, quand elle aura fait son miel, danser entre terre et ciel. Si l'on en repose, un ange tout rose, que la nuit seul on peut voir, viendra lui dire bonsoir. Si l'enfant est sage, sur son doux visage, la Vierge se penchera et longtemps lui parlera. Si mon enfant m'aime, Dieu dira lui-même, j'aime cet enfant qui dort, qu'on lui porte un rêve d'or. Fermez ses paupières et sur ses prières de mes jardins pleins de fleurs, faites glisser les couleurs. Ouvrez lui des langes avec vos doigts d'ange et laissez sur son chevet le voir son blanc duvé. Mettez-lui des ailes comme aux tourterelles pour venir dans son soleil danser jusqu'à son réveil. Qu'il fasse un voyage au bois d'un nuage et laissez-le s'il lui plaît voir un ruisseau de lait. Donnez-lui la chambre de perles et d'ambre et qu'il partage en dormant le gâteau de diamants. Brodez-lui des voiles avec mes étoiles pour qu'il navigue en bateau sur mon lac d'azur et d'eau. Que la lune éclaire l'eau pour lui plus claire et qu'il prenne au lac Jean-Jean mes plus faibles poissons d'argent. Mais je veux qu'il dorme et qu'il se conforme au silence des oiseaux dans leur maison de roseaux. Quand si l'enfant pleure, on entendra l'heure. Car si l'enfant pleure, on entendra l'heure. Car si l'enfant pleure, on entendra l'heure.